Mesdames et messieurs, dans quelques instants, notre TER arrivera en gare de Cahors. Prochain arrêt, Cahors. Correspondance pour Brive dans ce même train. Je répète, correspondance pour Brive dans ce même train. Merci de votre attention.